C'est le retour de l'homme masqué. Fier de l'être. Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel, un super-héros. Avec des rêves plein la tête, un super-héros. J'irai faire même des concerts comme un super-héros. Je reviendrai juste après, un super-héros. Vas-y répète juste après, super-héros. Stop là, j'arrive en balle, en solo, puissance 4. Mettre les sangs, j'arrive en quad, même le chef oublie son grade. Retour d'un super-héros qui n'aura pas de gros pouvoir. Surtout pas crier au secours, il n'est jamais venu me voir. On connaît tous une histoire, du Marvel au cinéma. J'ai voulu être Spider-Man, mais pas de fil entre les doigts. S'il vous plaît, comprenez-moi, on est plus fort que ces comics. Je me suis créé ma story, comme dans la peau de Malcolm X. On voit le son qu'on atterrisse, j'arrive de loin, c'est normal. On dit que la bœuf nous fait planer, mais sans les ailes de Batman. Immortel, pas tout de suite, y'a Marie-Jeanne à 6h. Sniper de viser, d'être un réel punisher. Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel, un super-héros. Avec des rêves plein la tête, un super-héros. J'irai faire même des concerts comme un super-héros. Je reviendrai juste après, un super-héros. Vas-y répète juste après, super-héros. Bien sûr, on ira te sauver. Ce soir, nous sommes plusieurs. Vas-y, remets le sang, s'te plaît. Je ne ressens aucune douleur. Vas-y, fais sauter le boomer. Je tiens le micro comme Thor. J'ai plein de rimes fantastiques, produits par Tim Burton. Aussi lourd qu'un raptor, comme Hulk, je reste au vert. Du haut de ma plantation, transformé en Green Lantern. Je la frappe sans commentaire. Je rappe sans te mentir. J'ai appris à soulever le rap français sans créatine. R-A-C-H-I-D, retiens ce blast comme ta série. Je maîtrise ce flow, cousin, comme si je venais d'Amérique. Ma voix dans l'équaliseur, le gardien de ma galaxie. Le autour d'un super-héros qui s'appelle juste MC. Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel, un super-héros. Avec des rêves plein la tête, un super-héros. J'irai faire même des concerts comme un super-héros. Je reviendrai juste après, un super-héros. Vas-y répète juste après, super-héros. Super-héros. Super-héros. Un super-héros. Amen. C'est toi mon super-héros. Je t'aime. Moi aussi. On se doit de rester debout. Cinquième album. Waouh.